Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Huitième épisode. La République sabote la guerre. Depuis le début de l'insurrection, la propagande franquiste dit effectuer une nouvelle reconquista de l'Espagne. Ironie de l'histoire, Franco utilise comme chair à canon et fer de lance de sa campagne de terreur près de 80 000 soldats recrutés dans le Rif marocain, transférés en Espagne par les alliés allemands qui ont même monté une compagnie de transport dans ce but. Ces troupes coloniales, bien encadrées par le Tercio, la Légion, vont conquérir l'Extrémadure à marche forcée. Côté républicain, la férocité des combats réactive un racisme anti-mort. On entend même l'oratrice anarchiste Federica Montseny exalter dans ses discours la race espagnole, le sentiment nationaliste et patriotique. Mais la radio de la CNT FAI de Barcelone diffuse aussi des appels aux travailleurs marocains, leur rappelant que pendant les guerres coloniales du début du siècle, le peuple de Barcelone et d'autres villes espagnoles se souleva et refusa de laisser embarquer ses enfants pour le Rif. Le 15 septembre, Pierre Bénard, secrétaire général de l'AIT, Association internationale des travailleurs, visite l'Espagne révolutionnaire et expose aux anarchistes la nécessité d'internationaliser la guerre pour sortir du bourbier dans lequel l'a mise la non-intervention de Blum. Son plan consiste à encourager la révolte des Rifains en délivrant leur leader Abdelkrim, détenu par les Français dans l'île de la Réunion depuis l'échec de l'insurrection en 1926. Dans cette stratégie, le gouvernement Caballero doit faire une déclaration dans laquelle il garantit l'indépendance du protectorat marocain en cas de victoire contre les factieux. Les nationalistes rifains contactés accueilleraient cette proposition avec enthousiasme et pourraient dès lors collaborer avec la République et combattre l'arrière-garde franquiste au Maroc. Mais Caballero sabote les discussions sur la question. La mauvaise volonté du gouvernement républicain est évidente et tous les projets capotent. Dans son avion de retour vers Paris, Bénard écrit « La révolution fait marche arrière. Et ce n'est pas la faute du peuple qui se bat avec un enthousiasme sans égal, mais de ses dirigeants qui vont à la traîne des événements, prouvant ainsi qu'ils ont perdu l'initiative révolutionnaire et qu'ils acceptent des situations humiliantes, comme celle que j'ai connue face à Caballero. Si l'anarchisme commet l'erreur stupide de collaborer avec ce dernier ou simplement de l'appuyer, la révolution sera perdue à jamais. » Le 29 septembre, Franco est nommé généralissime et reçoit les pleins pouvoirs à Burgos. Le général Mola commande l'armée du Nord et Queipo de Llano celle du Sud. Les franquistes vont lancer plusieurs offensives d'automne en Aragon avec une colonne mobile composée de 6000 hommes, bien armés, avec cavalerie, artillerie, aviation et tanks. L'offensive générale démarre le 4 octobre et à Tardienta, face à Saragosse, la ligne de front risque de se rompre. Le comité de guerre des milices décide de décongestionner ce point du front en lançant une contre-attaque de plusieurs centuries dans le secteur de Farlete et de Perdiguera. Le groupe international, pour la troisième fois depuis septembre, est appelé comme force d'appoint dans les situations difficiles. Le 8 octobre, il intervient à Farlete et repousse l'ennemi. Le 14, plus de 200 hommes s'apprêtent à intervenir sous le commandement du chef de secteur, Lucio Ruano, membre du comité de guerre et homme de confiance de Durruti. La tension est extrême. Louis Bertomieu est soucieux et taciturne. Visiblement, la situation est délicate. Le lendemain soir, nous étions à pied d'œuvre. Berthomieu avait pris la moitié des effectifs, c'est-à-dire une centaine d'hommes. La nuit vient assez vite au mois d'octobre. Autant m'avait paru longue l'après-midi, autant me parut court le crépuscule. Nous avancions, pliés en équerre, les genoux fléchis, tâtant le terrain avec la pointe du pied, attentifs à ne produire aucun bruit. Arrivés dans l'alignement de la première mitrailleuse, Lino se coucha, en nous faisant signe de continuer. Puis ce fut mon tour de m'allonger au pied de la colline. Staradov continua seul. Je regardais ma montre, par crainte que la luminosité des sphères et des chiffres, lorsque je serai plus haut, ne me trahisse. Je nouai mon mouchoir autour du poignet, en cachant le cadran. Ma main tremblait. Les minutes passaient lentement. La fraîcheur de la nuit me pénétrait dans les os. Le cri d'une chouette s'éleva dans la nuit. C'était le signal. Le russe était en place. Je commençais ma reptation. Il fallait avancer doucement. La côte était assez abrupte et parsemée de pierres qui risquaient au moindre heurt de se détacher et de rouler vers le fond du vallon avec un bruit infernal. Lentement, les mains tâtaient le terrain, écartaient les cailloux qui pouvaient, en roulant, attirer l'attention des veilleurs. Mon cœur bat à grands coups. Depuis mon départ du bas de la colline, je ne pense à rien. Toutes mes pauvres facultés cérébrales se sont concentrées pour rendre plus sensible le tact, la vue et l'ouïe. J'ai l'impression d'avoir un détecteur au bout des doigts. Les yeux, habitués à l'obscurité, perçoivent la moindre touffe d'herbe, la plus petite boursouflure du sol qui peut être une pierre. Je m'arrête. Une grosse touffe de romarin me barre la route. Je l'ai reconnue au parfum des basses branches qui me chatouillent le nez. Mes doigts explorent le terrain. Je me lève sur mes coudes, essayant de voir au travers du buisson. Merde. J'ai avancé trop vite et je suis monté plus haut que prévu. Berthomieu m'avait pourtant prévenu. Dans la nuit, on calcule mal les distances. Je relève le mouchoir pour regarder l'heure. 6 ou 7 minutes d'avance. Loin sur ma gauche, un bruit. Une rafale, une autre, une troisième. Aplati, la tête contre la base du buisson, la sueur perle à mon front. J'ai beau me dire que la terre, rejetée par les travaux de terrassement de la tranchée, arrêtée par le buisson, forme un petit parapet qui me protège des balles. Je transpire. J'ai l'impression qu'une main serre ma gorge. Silence. Une voix interpelle. Pourquoi t'as tiré ? On ne voit rien. Un autre répond. J'ai entendu des pierres rouler là, devant moi. Tu as vu quelque chose ? Non. C'était peut-être un lapin. Ouais, peut-être. De nouveau le silence. J'ai soif. J'ai la gorge sèche. Machinalement, j'ai ramené la musette à grenade de mon dos à ma poitrine. Je serre, un dans chaque main, 2 œufs de canne en fonte quadrillés. Nous n'avons pas de bombe offensive. La chouette ulule loin derrière moi. 1, 2, 3. J'ai lancé mon ananas comme une boule au jeu de pétanque. J'étais trop prêt pour faire autrement. À droite, Alexandre m'a devancé. J'entends l'explosion de sa bombe avant la mienne. Sur la gauche, la machine est entrée en action. Une courte rafale, un cri, et la mitrailleuse se tait. Entre 2 explosions, j'entends Staradov crier je ne sais quoi en russe. Comme lui, je me défais de ma charge en arrosant la tranchée. Derrière moi, un hurlement éclate, monte des profondeurs de la nuit. Le piétinement d'une foule qui court, s'approche, m'environne, me bouscule, me dépasse. Des cris en toutes les langues. Tony, ça va ? Quelqu'un a pris mon bras et approche un flacon de ma bouche. Je la reconnais. C'est Marthe. Merci, Marthe. Et Lino ? Je ne sais pas. C'est Augusta qui a été lui apporter à boire. Tu viens ? Elle est pressée de rejoindre le groupe et son compagnon. Je la comprends. Ils ne se quittent pratiquement jamais. Souvent, je les avais regardés se promener, en se tenant par la taille ou par la main. Derrière le parapet, un copain nous attendait. Berthomieu nous dit, ou pour être plus précis, nous fit dire, qu'après avoir fait l'inventaire de la position occupée, nous pourrions les rejoindre, ou rentrer à Farlette. Augusta survint soudain, et nous annonça la mort de Lino. Après avoir lancé sa bombe, il avait été fauché par une rafale de projectiles. Staradov et moi avions commencé à fouiller la tranchée après le départ des femmes. Nous avions presque fini, lorsqu'Alexandre s'approcha en me tendant une bouteille. « Tiens, bois, c'est bon. » C'était un flacon d'alcool à brûler. Je l'avais reconnu en le sentant, avant d'en boire. « T'es pas fou de boire ça? C'est bon pour brûler, c'est pas pour boire. » « Ah non, ça c'est bon. » Il me reprit la bouteille, porta le goulot à ses lèvres, et en avala sans exagérer les trois quarts. Je m'attendais à le voir tomber raide. « Keba !» Il regarda la bouteille, et comme il en restait un peu, il la glissa dans sa musette, et s'en fut continuer son travail. Il n'était pas encore minuit lorsque nous arrivâmes aux granges qui entouraient Perdiguera. Le village se trouvait en contrebas. Je ne peux pas dire s'il s'agissait d'une petite ou d'une grande agglomération, car je suis arrivé la nuit, et l'on n'y voyait rien. Lorsque le soleil se leva, j'avais autre chose à faire qu'à regarder le paysage. Bertomieu avait disposé ses forces le long du sommet de la côte qui descendait vers la route et le village. Les granges nous servaient d'abri. Je retrouvai Louis dans une d'elles, et je lui demandai pourquoi nous nous étions arrêtés si près du village, au lieu d'attaquer tout de suite. C'est dans cette bâtisse pleine de paille et d'outils agricoles qu'il m'expliqua le plan que Ruano avait élaboré pour nous faire massacrer. Mais à ce moment-là, nous ne le savions pas encore. Nous devions enlever la position pour dégager nos arrières, pendant qu'en même temps, les centuries de Durruti feraient mouvement et couperaient la route de Saragosse, empêchant ainsi la garnison de recevoir des renforts et de se replier sur la capitale de l'Aragon. Une fois l'encerclement terminé, un peloton de cavalerie devait simuler un assaut du village du côté opposé à celui où nous nous trouvions. Ce serait pour nous le signal d'attaquer. Nous avions accompli la première partie du plan. Il ne nous restait plus qu'à espérer que les cavaliers ne se fassent pas trop attendre. Nous étions une dizaine. Augusta et Mimosa avaient préparé des bottes de paille et ouvert les boîtes à pharmacie. Leur travail fini, elles s'étaient allongées et discutaient avec Georges, un petit Parisien qui s'amusait à ouvrir et fermer sa navaja pour le plaisir d'entendre le cliquetis des crans d'arrêt. Cette étrange musique lui plaisait tellement que souvent, même en se promenant, il ouvrait et fermait son couteau, en variant la vitesse de la fermeture et de l'ouverture de la lame. Mimosa m'appela pour bavarder un peu. Les deux filles n'avaient pas sommeil, et autour de nous, une dizaine de copains se reposaient de leur course. Elles étaient pour moi de charmantes petites amies. Mimosa avait partagé ma chabola, c'est un trou creusé dans le sol et recouvert de chaumes et de branches. Elle était d'origine polonaise. Mariée à un Français ivrogne et brutal, elle s'était enfuie et avait passé la frontière. Son caractère était exactement opposé à celui d'Augusta. Elle ne savait pas dire non, aimait la vie, l'amour et le rire. Un soir, à Monte Oscuro, trop fatiguée pour avoir envie d'autre chose que de dormir, elle m'avait demandé l'hospitalité pour une nuit, afin d'échapper au désir de ses adorateurs. J'avais accepté, et pendant deux nuits, elle avait partagé ma paille, comme une petite fille peut partager le lit de sa mère. Je m'assis entre elles. Mimosa racontait à sa copine l'aventure que nous avions vécue la veille de la relève. Bertomieu m'avait envoyé à Farlette prévenir l'intendance que le groupe arriverait vers midi et qu'il fallait préparer un repas chaud pour les hommes. Mimosa n'avait pas voulu rester seule dans le trou. Elle en était sortie et m'avait emboîté le pas. Il n'y avait pas de route pour aller de Monte Oscuro à Farlette, sauf des chemins que l'on reconnaissait aux ornières que les charrettes creusaient dans la terre des champs, au temps des labours et des récoltes. Nous étions perdus. Je l'écoutais dire comment, après avoir marché pendant 2 heures, elle avait dû s'arrêter pour reprendre des forces, et quelle était ma colère de voir que je n'arrivais pas à m'orienter dans cette nuit noire comme un four. La pluie était venue compliquer les choses, en nous trempant jusqu'aux os. À notre arrivée à la Paridera, ou au risque de nous faire repérer par une patrouille ennemie, j'avais allumé un feu d'enfer pour nous sécher. Il lui était venu une envie folle de faire l'amour. Mimosa parlait à voix basse et riait doucement pour ne pas réveiller les copains. Elle avait pris ma main et l'avait emprisonnée entre ses cuisses. Augusta s'était saisie de l'autre et la pressait sur son sein. Personne ne savait qu'elles allaient ainsi prendre congé de la vie. Elle s'était tue, et après avoir déposé un baiser sur ma joue, elle reprit son récit. Son désir de baiser était plus fort que la crainte d'être surprise par une patrouille. Au fil de ses paroles, je la revoyais se déshabiller. Je voyais son corps mince, les petits seins et leurs boutons roses. Le ciel commençait à s'éclaircir. Nous étions tous prêts à bondir sur notre proie. Debout, près d'un petit mur qui longeait le sommet de la côte que nous devions dévaler, nous épillions la colline d'en face pour voir surgir les cavaliers et nous élancer à l'assaut de la garnison retranchée dans le village. Alexandre avait installé une des mitrailleuses prises à l'ennemi devant la murette et pointait sa machine vers les premières maisons. Une silhouette noire sur le fond gris du ciel apparut à nos regards. Un cavalier, puis un autre. Tout l'escadron se profila sur la crête. Chaque cheval portait deux hommes en croupe, et immédiatement le feu se déclencha. De tous les côtés, des projectiles sifflaient autour de nous, fauchant les hommes qui ne s'étaient pas abrités à temps. Berthomieu me cria de tenir la position un quart d'heure, pour lui permettre de donner l'ordre de repli et de revenir avec les copains. Une fois le temps écoulé, nous devions nous retirer dans un autre pahal, qui se trouvait un peu plus loin derrière nous, à peu de choses près au centre de notre dispositif. Debout, contre le mur, j'attendais le retour de Louis. J'avais ramassé un fusil, et machinalement je tirais au-dessus de la tête de Staradov sur tout ce qui bougeait. Depuis les premières rafales, il avait enjambé la murette. Elle le gênait pour rallier la côte, qui de la route montait vers nous. Il était seul. Les deux hommes qui le servaient étaient couchés par terre. Morts. Dans la grange, des infirmières s'affairaient autour des blessés et des mourants. Enfin, Berthomieu fut de retour. Il m'expliqua rapidement le topo. Les Espagnols n'avaient pas effectué le mouvement prévu, et nous étions pratiquement encerclés. Il faudrait commencer à nous retirer. Il m'indiqua ce que devait être notre point de rassemblement. Il s'agissait d'une bâtisse, à une cinquantaine de mètres en arrière. Puis il me quitta, pour aller prévenir le reste du groupe. L'homme qui avait été dire à Staradov de se retirer est tombé. Mort. Nous n'étions plus qu'une demi-douzaine et deux infirmières. Je leur dis de partir, mais elles refusèrent d'abandonner les blessés. Je sortis juste à temps pour voir Alexandre se lever les bras en l'air. Surpris, je le regardai, il avait les poings fermés, et lança une grenade, puis une autre. Il se baissa, sortit son mousqueton, porta le canon à sa bouche, et pressa la gâchette. Sa tête fut projetée en arrière. Il tomba à la renverse. Une voix m'appela. « Antoine, viens vite !» C'était Georges, abrité par l'angle du parapet, qui me faisait signe de me dégager. La bâtisse était composée par un rez-de-chaussée et un étage. En bas, les paysans entreposaient leurs outils, et à l'étage, ils gardaient la paille et le foin. Parfois aussi une partie de leur récolte. Une échelle en bois reliait les deux niveaux. Cartagena, un des premiers Espagnols à avoir été intégré dans notre groupe, avait avec d'autres copains descellé des pierres tout autour du bâtiment pour pratiquer des meurtrières. Quand j'arrivais, il terminait de percer la dernière. Grâce à ces trous, nous pouvions défendre l'approche de notre réduit de tous les côtés. Percée sur deux hauteurs et en quinconce, celle du rez-de-chaussée ne laissait aucun angle mort qui puisse permettre à l'ennemi de se glisser contre les murs. La plus basse rangée avait été percée à 20 ou 30 cm du sol, et la plus haute se trouvait à 1 mètre. Cartagena me dit que Louis lui avait conseillé de faire ce travail en prévision d'un possible échec de notre attaque et pour nous permettre d'attendre les renforts. Lentement, nos hommes décrochèrent, se replièrent vers notre fort, et nous nous efforçâmes de les couvrir grâce à la puissance de nos armes. Nous étions environ une quarantaine d'hommes, valides ou plus ou moins blessés. Petit à petit, le feu diminua d'intensité. Nous voyions les canons des fusils ennemis se pointer vers nous sur le petit mur qui longe le sommet de la côte. Et nous savions que sur ces trois côtés, se massaient les forces qui se concentraient pour l'attaque finale. Soudain, de l'étage, on nous appela. Un guetteur avait vu quelqu'un se glisser au milieu des herbes. C'était un des nôtres, un nous l'avait reconnu. Nous recommençâmes à tirer pour protéger son avance. Il se leva en chancelant et vint tomber devant une meurtrière. Heureusement, celle-ci était assez large pour nous permettre de le prendre par le bras et de l'amener vers l'intérieur. C'était un Allemand blessé au ventre et à la poitrine. On se demandait comment il avait pu arriver jusqu'à nous. Il nous signifia qu'il voulait parler. On s'approcha pour lui demander ce qu'il arrivait. « Vous partez vite, capitaine, fusillé. Fusillé. Frau Martha, fusillé. Camarade, tous morts. Vous partez vite. » Nous nous regardâmes en nous interrogeant. Qu'allions-nous faire? Il fallait tenir jusqu'à la dernière cartouche, ou jusqu'au dernier homme. Hisser le drapeau blanc ou se faire tuer sur place. Une minorité était partisane de se rendre. Nous étions en train de compter ceux qui étaient contre la reddition, lorsqu'un chapelet d'imprécations, de jurons accompagnant des coups de feu nous interrompit. Oh, des poules, salut, des poules, assassin ! Nous nous sommes précipités aux meurtrières. Je croyais devenir fou. Je fermais les yeux et je sentais l'estomac me sauter à la gorge. J'avais envie de vomir. Là-bas, dans la poussière, deux corps gisaient, ensanglantés, le ventre ouvert. Les entrailles sortant de la blessure béante s'épandaient jusqu'au sol. Elles étaient nues. Elles vivaient encore. Leurs mains essayaient de retenir leurs intestins. Augusta, Mimosa. Quelqu'un m'écarta de la meurtrière. C'était Cartagena. Je l'ai vu épauler son fusil. Puis j'entendis des détonations. C'était fini. Je pleurais. Je n'étais pas le seul. Georges vint me dire que l'Allemand s'était suicidé en se logeant une balle dans la tête. Dans les semaines qui suivent le 16 octobre, les journaux militants en Espagne et en France vont évoquer avec grande émotion la fin tragique, en première ligne, des infirmières du groupe international. Augusta Marx, aussi appelée Trude, était une militante du Parti socialiste ouvrier allemand, engagée dans les colonnes anarchistes. Mimosa était le surnom de Georgette Kokosinski, une Française de 27 ans, arrivée au front le 18 septembre. Sa mort affecta beaucoup de camarades. Militante depuis l'adolescence, elle fréquentait les milieux anarchistes autour des journaux Le Libertaire, L'Insurgé, L'En Dehors. Elle diffusait la revue anarchiste et son supplément, Chose d'Espagne. Les conditions atroces de sa mort et de celle d'Augusta, telles que les relate Jiménez, ne semblent pas connues de ses camarades, pour qui elles furent fusillées ou périr dans le dynamitage d'un hangar, suivant le rapport établi à partir de témoignages de déserteurs franquistes. Quant à Marthe, c'est peut-être Juliette Baudard, fusillée à 22 ans, en même temps que son mari, Roger Baudard. Dans une liste établie sur le terrain après la bataille, il est aussi question de la perte d'une quatrième femme, qui est peut-être Suzanne Guirbe. D'autres Françaises engagées dans la colonne Dorothy, à des titres divers, sont évoquées dans des travaux récents de recherche. Leur nombre n'est pas bien établi. Thérèse Bardi, Émilienne Morin, Hélène Patou, ou encore Suzanne Hans, cette Parisienne du 13e, qui tombera à 22 ans sous les balles franquistes, avec son jeune ami Louis Ricouli. Nous avons évoqué dans le 5e épisode ces femmes engagées dans la Révolution, au front comme à l'arrière, et qui voient leur vie et leur rapport aux hommes modifiés. Dès juillet, de jeunes Espagnoles viennent spontanément sur le front, seules ou avec leurs compagnons, voire en famille, accompagnant leurs pères ou leurs frères. Beaucoup de témoignages font état de l'engagement spontané de bandes de quartier. Garçons et filles ne voyant pas pourquoi la lutte commencée sur les barricades ne se continuerait pas en Aragon. Toute une propagande élogieuse fait alors des miliciennes des héroïnes de la lutte antifasciste, ce qui laisse présager un changement d'attitude à l'égard du deuxième sexe. Concha Pérez, engagée plusieurs mois durant dans la colonne anarchiste Ortiz, au sud de l'Èbre, raconte après la guerre comment, pour elle, hommes et femmes devaient lutter partout, coude à coude, tout gagner ou tout perdre ensemble. La démarche même des Mujeres Libres lui paraissait alors incongrue. Elle décrit le rapport des hommes et des femmes ainsi. Les compañeros nous tenaient en grande sympathie et nous respectaient beaucoup. Parfois, ils nous protégeaient un peu, mais sans sentiment de supériorité à notre égard. Et c'est vrai que nous étions très jeunes. Ces femmes seront durement désappointées quand il se décidera, à la fin de l'automne, de les renvoyer du front, sous prétexte que trop de prostituées y propagent des maladies vénériennes, cette soi-disant arme principale de la cinquième colonne. L'amalgame douteux entre miliciennes et prostituées s'accompagnera parfois de propos et de comportements ridiculisant et discréditant les combattantes. D'autres témoignages viennent confirmer celui de Jiménez à propos des relations entre les sexes. Certaines ex-combattantes racontent qu'il y avait beaucoup trop de soucis liés à la survie au front pour penser aux relations personnelles ou sexuelles, mais que les hommes et les femmes dormaient souvent ensemble sans se manquer de respect. D'autres encore, comme Casilda Mendes, disent que les relations sexuelles au front relevaient d'un choix naturel et conscient. Nous la citons. C'en était fini de la femme réduite aux occupations domestiques et au lit pour plaire au mari. C'est un mensonge que de prétendre que les femmes allaient au front pour coucher avec les hommes. Cela dit, quand les unes et les autres sont mises en présence, on ne peut éviter que se créent des sympathies et affinités, et que se nouent des relations. Surtout au front d'Aragon, loin des zones urbaines. Des contacts physiques, moraux et spirituels existaient. C'est le contraire qui serait aberrant. Mais cette ambiance évoquée ne durera pas longtemps, et sur ce plan-là, les dirigeants anarchistes vont se distinguer par un esprit étriqué. En novembre 1936, ils signifient aux femmes révolutionnaires que leur place est désormais dans les usines et celle des hommes au front. Il faut ajouter que les organisations féministes existantes ne protestèrent pas beaucoup. Un article publié dans Mujeres Libres en juillet 1937 ira jusqu'à, nous citons, comprendre que la milicienne préfère quitter le fusil pour la machine industrielle et l'énergie guerrière pour la douceur de son âme de femme. Ici aussi, l'esprit de juillet est mis à mal.